Chapitre 3e. Tristesse de Tom. Ses collaborateurs congédiés, Tom se présenta devant Tante Polly, qu'il trouva assise dans une salle confortable située sur le derrière de la maison et qui servait à la fois de parloir et de chambre à coucher. La chaleur, le silence, le parfum des fleurs, le bourdonnement des abeilles avaient produit leur effet habituel, et la vieille dame dodelinait de la tête sur son tricot, car elle n'avait d'autre compagnon que le chat qui dormait sur ses genoux. Convaincue que Tom, selon sa coutume, avait depuis longtemps déserté, elle s'étonna qu'il osât affronter d'une façon aussi intrépide des reproches mérités. « Est-ce que je ne puis pas aller jouer maintenant, ma tante ?» demanda Tom. « Comment ? Déjà ? Et ta besogne ? Elle est finie. Ne mens pas, Tom, cela m'exaspère. Je ne mens pas, ma tante. » En pareil cas, tante Polly ne se contentait pas d'un témoignage de ce genre. Elle sortit, afin de se convaincre par ses propres yeux, et l'eût été satisfaite s'il n'était entré que 20% de vérité dans l'assertion de son neveu. Lorsqu'elle vit que non seulement la façade entière était badigeonnée, mais que l'on avait même blanchi une partie de la chaussée au pied de la clôture, sa surprise fut indicible. « Par exemple, si je m'attendais à cela, » s'écria-t-elle, « tu sais travailler quand tu veux, Tom. Il n'y a pas à le nier. Par malheur, il ne t'arrive pas souvent de vouloir. Allons, va jouer. Mais tâche d'être rentré à temps pour souper ou gare à toi. » En attendant, elle fut si enchantée du zèle inusité dont Tom venait de faire preuve, qu'elle l'emmena vers une armoire et lui remit la plus belle pomme qu'elle put trouver. Ce don fut accompagné d'un petit sermon sur la saveur particulière que prend un régal, alors qu'il est la récompense d'un effort vertueux. Tandis qu'elle terminait son discours, Tom escamota de biscuits. Au moment où il s'éloignait, il aperçut Sidney qui gravissait, avec une sage lenteur, l'escalier extérieur conduisant au second étage. Des mottes de terre gisaient à portée. Elles ne tardèrent pas à pleuvoir comme une grêle autour de l'écolier modèle. Avant que tante Polly eût le temps d'accourir à la rescousse, plusieurs projectiles avaient atteint leur but et Tom disparut. Il y avait une porte, mais en général notre héros était trop pressé pour sortir ou entrer par cette voie. Il escalada l'enclos avec d'autant plus de légèreté qu'il se sentait capable de sauter par-dessus la lune maintenant que son compte avec Sidney était réglé. Il se trouva bientôt à l'abri de toute poursuite et se dirigea en sifflant vers l'endroit où deux armées se donnaient rendez-vous tous les samedis avec l'intention de se livrer bataille. Tom était le général en chef d'une de ces armées et Joseph Harper, son ami intime, commandait l'autre. Les deux chefs ne daignaient jamais payer de leur personne. Ils laissaient cela au menu fretin. Assis côte à côte sur une hauteur, ils dirigeaient les opérations par l'entremise de leurs aides de camp. L'armée de Tom, après un combat acharné, remporta une victoire éclatante. On compta les morts, les prisonniers furent échangés, les conditions de la prochaine dispute furent réglées, puis vainqueurs et vaincus se formèrent en ligne pour défiler sous les yeux de leur commandant. Tom, demeuré seul, reprit enfin le chemin de la maison où on l'attendait pour souper. Tandis qu'il passait devant la maison qu'habitait son ami Jeff Thatcher, il aperçut dans le jardin une inconnue, une ravissante petite créature aux yeux bleus, dont les cheveux jaunes retombaient sur son dos en deux longues nattes. Elle portait une robe blanche, des pantalettes au volant orné de broderies et des bottines trop mignonnes pour que l'on pût croire qu'elles avaient été fabriquées à Saint-Pétersbourg. Le général, que ses troupes victorieuses venaient d'acclamer, succomba sans même essayer de résister. L'image d'une certaine Amy Lawrence s'effaça aussitôt de son cœur. Un coup d'éponge sur une ardoise n'enlève pas plus promptement, plus efficacement, les chiffres que l'on y a tracés. 8 jours à peine auparavant, Tom avait provoqué en duel, à coup de poing, un camarade qui se permettait d'effrayer Amy par une série de grimaces hideuses. Amy avait alors déclaré qu'elle ne voulait pas d'autre mari que son défenseur, et Tom, de son côté, avait pris des engagements sérieux. Et voilà que, à la vue d'une étrangère qu'il rencontrait pour la première fois, il oubliait toutes ses promesses. L'inconstant adora la nouvelle idole à la dérobée jusqu'au moment où il se vit découvert. Alors il feignit de ne pas s'apercevoir de la présence de la jeune inconnue, dont il s'efforçait pourtant d'exciter l'admiration par toutes sortes de gamineries absurdes. Cette parade grotesque dura assez longtemps, mais au beau milieu d'un admirable saut périlleux, Tom vit que la petite fille se dirigeait vers la maison. Il retomba sur ses pieds, s'approcha de la haie et regarda par-dessus, espérant que celle qu'il avait voulu charmer par ses tours d'adresse renoncerait à s'éloigner. Elle se tint un instant sur le seuil, puis tourna le dos en riant. Tom poussa un gros soupir, mais son visage s'illumina bientôt, car avant de disparaître, elle fit soudain volte-face avant de lancer une giroflée qui tomba à quelque distance de l'acrobate. Celui-ci exprima sa joie par une nouvelle culbute, s'arrêta à un pas ou deux de la fleur, puis, transformant une de ses mains en abat-jour, il se mit à regarder au bout de la rue, comme s'il eût tout à coup aperçu un objet qui l'intéressait vivement. Bientôt, il ramassa un brin de paille, qu'il se mit à balancer sur le bout de son nez, la tête penchée en arrière. Tout en maintenant l'équilibre avec une habileté qui aurait fait honneur à un jongleur indien, il se rapprochait peu à peu de la giroflée. Enfin, son pied nu toucha la fleur. Ses doigts agiles s'en emparèrent. Il s'éloigna en sautillant et tourna le coin de la rue. Mais son absence fut de courte durée. Le temps de fourrer la giroflée à l'intérieur de sa jaquette, contre son cœur ou peut-être contre son estomac, car il n'était pas fort en anatomie. Il ne tarda pas à revenir et se promena devant la maison jusqu'à la tombée de la nuit, se livrant aux exercices les plus dangereux. Mais celle qu'il voulut captiver ne se remontra pas. Tom se consola un peu en pensant qu'elle s'était tenue en observation près de quelques croisées et qu'il n'avait pas perdu son temps. Comme cette conviction ne l'empêcha pas de sentir que l'heure du repas approchait, il résolut de ne pas s'attarder davantage. Durant le souper, il fit preuve d'une gaieté si exubérante que Tante Polly eut à peine le courage de le gronder à propos des mottes de terre dont Sid avait été le point de mire. Mais lorsqu'il essaya de dérober du sucre sous les yeux de sa tante, il reçut de rudes taloches. Au lieu de se révolter, il se contenta de dire « Tu ne tapes pas Sid quand il en prend. Sid ne me tracasse pas comme toi. Tu ne laisserais pas un morceau de sucre si je ne tenais pas l'œil ouvert. » Quelques instants après, elle entra dans la cuisine. Sid, fier de son impunité, heureux surtout d'une occasion de braver Tom, s'empara du sucrier. Mais le bol lui glissa entre les doigts, tomba par terre et se brisa en morceaux. Tom était ravi du malheur de l'hypocrite, tellement ravi qu'il contint son envie de rire. Il se promit de ne pas dire un mot lorsque sa tante reviendrait, de se tenir quoi jusqu'à ce qu'elle sommât le coupable de se dénoncer. Alors seulement il parlerait. Ce serait drôle de voir l'écolier modèle recevoir enfin une bonne correction. Il garda donc le silence quand la vieille dame, attirée par le bruit, rentra dans la salle à manger, éleva les bras au ciel en contemplant par-dessus ses lunettes les débris du sucrier. « Qui a fait cela ? » demanda-t-elle. « Bon, nous allons rire, » pensa Tom. Elle ne s'attend pas à trouver son chéri en faute. L'instant d'après, il roulait sur le parquet. Rien n'irritait la tante Polly comme le bruit de sa vaisselle, et l'idée ne lui était pas venue de soupçonner Sidney. D'ailleurs, si elle avait frappé un peu fort, c'est que le coupable supposé, se tenant presque toujours sur la défensive, savait éviter les attaques qu'il prévoyait. Cette fois, il avait été pris au dépourvu. Aussi, tante Polly resta-t-elle le bras en l'air, prête à recommencer, et non moins surprise que son neveu. Ce dernier voulut alors transformer en scène d'attendrissement son coup de théâtre manqué. Il se releva de l'air d'un homme dont tous les membres sont rompus et murmura d'une voix dolente. « Allons, tu peux encore me casser un bras ou une jambe. Par exemple, je ne sais pas pourquoi tu t'en prends à moi. C'est Sid qui a cassé le sucrier. » Tante Polly parut perplexe, et Tom espéra qu'elle allait s'efforcer de le consoler. Mais dès qu'elle fut revenue de son étonnement, elle s'abstint par politique de reconnaître ses torts. « N'importe, » dit-elle, « je parie que tu as mérité une punition. Il suffit que je tourne le dos pour que tu fasses mille méchancetés. » Néanmoins, sa conscience lui adressait des reproches, et elle brûlait de manifester ses regrets par quelques paroles aimantes. Mais c'eût été avoué qu'elle avait eu tort, et un pareil aveu aurait compromis la discipline. Elle gronda Sidney pour la forme et vaqua à ses affaires, le cœur serré. Tom bouda dans un coin, exagérant ses griefs. Il devinait que, moralement, sa tante se tenait à genoux devant lui, et cela le flattait. Il était décidé à ne faire aucune avance et à n'en accepter aucune. Il savait qu'un regard plein de tendresse tombait sur lui de temps à autre. Il refusa obstinément d'y répondre. Il se vit étendu sur son lit de mort. il vit sa tante penchée à son chevet, le suppliant de prononcer un mot de pardon. Ce mot, il mourrait sans l'avoir dit, le visage tourné vers le mur. Quel remords elle éprouverait alors! Puis il s'imagina qu'on le repêchait dans la rivière et qu'on le rapportait inanimé à la maison, les cheveux tout mouillés, les mains froides, le cœur à l'abri des souffrances terrestres. Comme elle se jetterait sur lui! De grosses larmes couleraient le long de ses joues. Elle prierait le ciel de lui rendre son enfant, se promettant de ne plus le tarabuster. Mais il demeurerait immobile, les membres glacés, incapable de remuer un doigt, et elle regretterait trop tard de lui avoir préféré Sydney. Il se laissa tellement attendrir par les visions pathétiques de son imagination qu'il dut avaler sa salive, car sa gorge se serrait. Sa vue était obscurcie par un nuage qui se condensait lorsqu'il abaissait la paupière et lui coulait le long du nez. Il éprouvait un plaisir si vif à dorloter ses griefs que toute consolation mondaine lui parut une insulte dont sa douleur avait le droit de s'indigner. Aussi se leva-t-il à l'approche de sa grande cousine qui revenait d'un village voisin après une longue absence de 8 jours et sautait de joie à la vue du toit maternel. Sombre comme un héros de mélodrame ou grognon comme un enfant mal élevé si vous aimez mieux, il s'éloigna par une porte tandis qu'une chanson et un rayon de soleil entraient par l'autre. Il erra loin des lieux fréquentés par ses camarades et chercha un endroit désert où aucun éclat de rire ne viendrait troubler sa douleur. Un train de bois amarré à la rive l'attira. Il s'assit au bord du radeau et contempla le vaste espace liquide qui se déroulait sous ses yeux, souhaitant de se voir noyer tout d'un coup. À l'improviste, sans éprouver aucune des sensations désagréables que cause l'asphyxie. Ensuite, il songea à sa fleur. Il la tira de sa poche et la froissa entre ses doigts, ce qui contribua beaucoup à accroître sa lugubre félicité. Il se demanda si elle le plaindrait, elle, en voyant combien l'injustice dont il était l'objet le faisait souffrir. Pleurerait-elle? Ou bien se détournerait-elle froidement sans prêter la moindre attention à sa douleur? Ce dernier tableau lui causa une angoisse si pleine de douceur qu'il l'évoqua sous toutes les formes et vida le calice jusqu'au fond. Enfin, il se leva en poussant un gros soupir et s'éloigna dans l'obscurité. Il était 9h30 ou 10h lorsqu'il repassa devant la maison qu'habitait la petite inconnue. Il s'arrêta. La rue était déserte. Aucun bruit ne troublait le silence. Une chandelle éclairait d'une vague lueur une croisée du second étage. Était-ce là qu'elle reposait? Il se faufila à travers la haie, pénétra dans le jardin, franchit à pas de loup les plates-bandes et s'arrêta sous la fenêtre éclairée. Il la contempla longtemps et avec émotion. Puis il s'allongea sur le sol, étendu sur le dos, tenant entre les mains sa pauvre fleur froissée. C'est ainsi qu'il mourrait, délaissé par le monde entier, sans abri au-dessus de sa tête, sans personne pour lui fermer les yeux, sans un visage ami penché au-dessus de lui. Et c'est ainsi qu'elle le verrait le lendemain lorsqu'elle ouvrirait sa croisée. Verserait-elle une larme sur son corps inanimé? Paul avait déploré la fin prématurée de Virginie. Mais Virginie se serait peut-être consolée bien vite de la mort de Paul. Dans le doute, Tom se consola lui-même en songeant que sa tante du moins s'affligerait. La fenêtre s'ouvrit tout d'un coup. La voix discordante d'une négresse profana le silence solennel et un déluge d'eau inonda le martyr imaginaire. Notre héros se redressa, éternua, se secoua. Un projectile fit siffler l'air. On entendit un bruit de verre cassé. Une forme indistincte sauta par-dessus l'enclos et disparut dans les ténèbres. Une demi-heure plus tard, tandis que Tom, déjà déshabillé, contemplait à la lueur d'une maigre chandelle ses vêtements mouillés, Sid se réveilla. Mais si l'idée lui vint de faire quelque observation peu agréable, il changea d'avis et n'ouvrit pas la bouche, car son frère paraissait de mauvaise humeur. Ce dernier se coucha sans se donner la peine de faire sa prière, et Sid prit note de cette omission.